Bonjour mes frères et sœurs, et en ce vendredi, nous allons continuer à étudier le chapitre 13 et nous allons regarder un autre signe avant-coureur de la fin du monde. De cette prophétie que Jésus a faite, il n'y a rien ici-bas qui va rester pierre sur pierre, qui ne sera pas détruit. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, nous sommes dans la joie et dans la paix. Que le monde dans lequel nous vivons n'est pas un hasard quelconque. Le monde dans lequel nous vivons est sous ton contrôle. Ça vient de toi. Tu le connais. Il n'y a rien qui va arriver à ton peuple, à ton Église, que tu n'aies vu arriver avant, que tu as voulu, que tu as planifié, que tu as orchestré. Ô Seigneur notre Dieu, nous te demandons encore ce matin qu'on comprenne bien un autre de ces signes qui va nous amener à comprendre qu'est-ce qui va précéder la fin du monde. Qu'est-ce que les disciples devaient s'attendre à ce qui arrive avant la destruction de Jérusalem en 70 aussi. Parce que de leur vivant, ils ont vécu tout cela. Comme nous, de notre vivant, on vit cela aussi. Donc garde-nous en toi. Amen. On a vu jusqu'à date qu'on est encore mercredi. Parce qu'il va dire au chapitre 14, la Pâque va avoir lieu dans 2 jours. Donc on est mercredi et ça va avoir lieu jeudi, vendredi. Donc on est au milieu de la semaine. Et Jésus sait qu'il va mourir le vendredi. Et a enseigné ses disciples tout au long, puis il va les enseigner encore, et il va leur montrer qu'est-ce qui s'en vient. Et il a décidé de faire cela à partir d'une observation qu'un des disciples a faite par rapport aux grandes constructions de la ville de Jérusalem. Et Jésus leur a fait la prophétie, « Tout ce que tu vois ici, il ne restera pas pierre sur pierre, tout va être démoli. » On sait que certains disciples sont morts avant que ce soit démoli. Donc, ils ne l'ont pas vu de leurs propres yeux. Mais ils l'ont cru par la foi. Jésus l'a dit, ça va arriver. Et on a vu ensemble qu'il dit, un des signes qui va être précurseur, c'est qu'il y en a qui vont venir en mon nom, disant qu'ils sont moi, et ils vont essayer de vous séduire loin de la vérité que je vous ai enseignée. Donc, soyez sur vos gardes. Ensuite, il va venir des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines, il va y avoir des douleurs dans ce monde. Et pensez pas qu'à cause de moi, à cause de ce que j'ai enseigné, à cause de ce que j'ai mis en place, les douleurs vont arrêter dans ce monde, ni dans votre vie et ni dans le monde. Et on sait très bien que les chrétiens passent par les mêmes difficultés que les autres. Les chrétiens souffrent, les chrétiens sont malades, les chrétiens font des accidents, les chrétiens perdent leurs enfants dans la mort, dans la misère, dans la souffrance. Des chrétiens ont des nouveaux emplois, mais des chrétiens ont des pertes des emplois, ils font des accidents terribles, ils deviennent infirmes et malades. Il ne faut pas penser que j'ai enlevé la douleur. Il y aura de la douleur. Mais vous allez voir un autre signe aussi. Un autre signe, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verge dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné, alors même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça s'améliore pas, n'est-ce pas? La séduction, les douleurs, causées par les guerres, les douleurs causées par les catastrophes naturelles. Et maintenant, Jésus leur dit, la haine va vous assaillir, la haine contre vous. Il dit, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Ne soyez pas trompés. Vous n'allez pas être aimés à cause que vous devenez des chrétiens. Mais vous allez être haïs. Il dit, faites attention. On va vous livrer au tribunal. On va vous battre de verge dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Donc, attention, ici, il y a un petit mot, à cause de moi, et ça va revenir au verset 13, à cause de mon nom, ça va arriver. Donc, si toutes ces choses-là arrivent et que ce n'est pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas de ça dont il parle ici. Parce qu'il y a des gens qui vont se trouver devant des tribunaux, ils vont se faire battre à cause de leur foi, ils vont être présentés devant des cours, devant des juges pour être accusés et bafoués, jetés en prison et faits mourir. Mais ce n'est pas à cause du nom de Jésus. C'est à cause d'un nom d'une autre religion quelconque. Parce que vous savez, il ne faut pas se leurrer, là. Il y a des gens dans toutes les religions du monde qui se font haïr. Présentement, il y a une haine quasiment mondiale qui monte contre l'islam. Et c'est pas à cause qu'ils sont haïs que tout cela pourrait leur arriver, qu'ils sont corrects. Parce qu'ils sont pas haïs à cause de Jésus. Mais ils sont haïs à cause d'autres choses. Hein. Que ce soit justifié ou pas. Mais il dit, faites attention à vous. À cause de moi, à cause de mon nom, on va vous traîner devant les tribunaux. On va vous battre, on va vous faire souffrir, on va vous mettre en prison. On va vous faire comparaître devant des cours, devant des juges. Et c'est là que vous allez rendre témoignage de moi. Quand ces choses-là vont arriver, rendez témoignage de moi. Pas de votre religion. Pas de vos exploits, pas de vos œuvres de bien-être, de vos œuvres de charité ou que ce soit, mais dit, rendez témoignage de moi, de qui je suis, de ce que j'ai fait. Vous allez rendre témoignage de moi. Il dit, à travers ça, ça va vous ouvrir des portes pour annoncer l'Évangile dans ces moments-là. Il dit au verset 10, « Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. » Donc, il dit, ça n'arrivera pas tout de suite. Il dit, la bonne nouvelle va être prêchée à toutes les nations. Il y en a qui disent, ça s'est accompli avant l'an 70. Parce qu'il est écrit dans une épître, je pense. Ils ont rempli le monde de leur enseignement. On sait que l'enseignement des disciples pendant les premiers 70 ans ou 40 ans, c'est étendu jusqu'en Espagne par l'apôtre Paul, en Europe, en Asie, en Afrique avec l'Éthiopien. Mais est-ce qu'on peut dire que cela accomplit toutes les nations? J'ai de la misère un petit peu avec. Mais il dit, il faut que la bonne nouvelle se répande parmi toutes les nations. Il faut qu'on prêche la bonne nouvelle de l'arrivée du royaume de Dieu dans le monde entier. C'est pour ça que Jésus va dire à la fin de Matthieu, à la fin de Marc, allez par toute la création, allez par toutes les nations et faites des disciples de toutes les nations. Enseignez-les, baptisez-les, instruisez-les dans toutes les nations. Même s'il y a de la persécution, même s'il y a on vous bat de verge, même si on vous emmène devant les tribunaux, continuez à prêcher la bonne nouvelle. Ne me rejetez pas. Ne m'abandonnez pas. Ne me reniez pas. Et là, pour les encourager, il dit au verset 11, il dit, ne vous inquiétez pas. quand on va vous emmener devant les tribunaux pour vous livrer, livrer à la mort, là, hein, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Ne vous inquiétez pas. Dites ce qui vous sera donné à l'heure même, parce que c'est le Saint-Esprit qui va être en vous, qui va vous aider. Ici, l'auteur parle-t-il de révélation ou d'illumination? Est-ce que ce qu'il est en train de dire, vous allez pouvoir dire aux gens qui vous maltraitent, qui vous persécutent, des choses que vous ne savez pas? Ça, j'appelle ça de la révélation. Je ne sais pas, Dieu me révèle par son esprit une vérité ou quelque chose, et je leur dis. Ah, je viens de te dire quelque chose que je ne savais pas. Non, je crois plutôt qu'on parle d'illumination. Jésus avait dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter encore. Mais il dit, le Saint-Esprit va vous rappeler toutes choses que je vous ai dites, puis il va me glorifier à travers vous. Donc le Saint-Esprit va être là pour les aider à prêcher ce que lui a dit, à dire ce que lui a dit, à contrefaire les faux docteurs, les faux prophètes, à contrefaire les juges et les gens qui vous condamnent. Aujourd'hui, j'ai écouté une vidéo d'un pasteur qui contredisait un philosophe qui a écrit un article, disait que Jésus avait dit quelque chose et qu'à cause de ce que Jésus avait dit ça, mais c'était pas vrai ce que Jésus n'était pas vraiment le Dieu fait chair. Et le pasteur a dit, mais vous vous trompez. Jésus n'a jamais dit ça. C'est vous qui dites que Jésus a dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. On va, à travers de ce qu'on a reçu de lui, par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, il va nous aider à prêcher, à dire les choses qu'on doit dire dans les différents places, moments que Dieu va nous amener à rendre témoignage pour lui. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça que pas l'apôtre, mais Jésus a dit à ses disciples, « Ne partez pas de Jérusalem. » avant d'avoir reçu une puissance qui vient d'en haut, le Saint-Esprit, qui va vous donner la puissance de comprendre ce que je vous ai dit, de mettre en ordre ce que je vous ai dit, de faire le constat bien comme il faut, et là, le prêcher aux gens, l'enseigner aux gens, reprendre les gens quand c'est nécessaire. Donc, ne vous inquiétez pas comment vous allez répondre aux grands de ce monde. Mais, il dit, il va avoir de la haine. Puis, il passe du public, les synagogues, les tribunaux, les gouverneurs, les rois, et là, il descend ça dans la famille. Ça fait encore plus mal, c'est encore plus dur. Il dit, le frère livrera son frère à la mort. Il y a des parents qui vont livrer leurs enfants à la mort. Puis il y a des enfants qui vont se soulever contre les parents et qui le feront mourir. Donc, la haine va rentrer dans les cercles très, très intimes de mari, conjoint, d'enfant, père, frère, sœur, parent, enfant, père, mère. Et on aurait des exemples à travers l'histoire de l'Église, des choses comme ça qui sont arrivées. Il dit au verset 14, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Soyons bien sûrs que c'est à cause du nom de Jésus qu'on souffre. Des fois, je crois qu'on souffre à cause qu'on manque de sagesse, là. Des fois, je pense qu'on souffre à cause des méthodes que nous prenons au lieu de ce que nous prêchons. Des fois, les gens nous persécutent avant de savoir qu'est-ce qu'on a à leur dire. Parce qu'ils ont des préjugés. Mais soyons bien sûrs que si on est haï, c'est à cause de ce que l'on croit par rapport à Jésus. Parce que Jésus, vous savez, a tout fait comme il faut. Il a prêché comme il faut. Il n'a jamais assommé personne avec sa Bible. Il a aidé les gens. Il a guéri les malades. Il a pris soin des pauvres. Il a tout fait cela. Puis il a été haï au max. Je pense qu'il n'y en a pas un qui a été plus haï que lui. Dans le monde. Donc, il ne faudrait pas penser que si on fait du bien autour de nous, que les gens ne vont pas nous haïr. Oui, oui, moi, je ne suis pas contre ça. Faisons tout le bien qu'on peut autour de nous. Mais il ne faudra pas penser que si, ceci va nous éviter la haine des gens contre nous. Aussitôt qu'on va parler de Jésus, aussitôt qu'on va annoncer Jésus, aussitôt qu'on va proclamer ce que lui a enseigné, comme la fin du monde. J'étais dans un restaurant cette semaine, et quelqu'un parlait que la fin du monde, ça va venir parce que nous autres, les êtres humains, on va se multiplier à un point tel qu'on va s'auto-détruire par le nombre de personnes, et là, ça va recommencer à partir de zéro. J'ai dit non. J'ai dit non. Je ne suis pas capable de croire ça. Je ne suis pas capable de croire ça. J'ai dit Jésus, je disais cette semaine, j'ai dit Jésus disait que ce n'est pas demain que ça va venir la fin du monde. Ce n'est pas demain que ça va venir la fin du monde. Mais remarquez bien ici. Il dit, pendant que le royaume de Dieu se met en place, il va y avoir des séducteurs pour empêcher les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Il va y avoir des douleurs par toutes sortes de choses qui vont arriver dans le monde. Puis il va y avoir une haine globale, mondiale, nationale, par toute la terre, toutes les nations vont nous haïr à cause du nom de Jésus. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit de faire dans ce temps-là? Au verset 13, « Persévérez jusqu'à la fin et vous serez sauvés. » Si vous m'abandonnez, si vous me rejetez, si vous me repoussez, si vous me reniez, ou si vous laissez séduire, ou vous vous découragez à cause des douleurs, ou parce que vous ne voulez pas être haï, vous mettez des breaks, je peux dire de même, vous diluez l'évangile, tu sais, vous amenez un évangile bonbon pour ne pas être haï. Votre persévérance ne servira à rien. Mais dit, persévérez en mon nom, dans ce qui je suis et ce que j'ai enseigné, et vous serez sauvés. Il dit ailleurs, si tu me renies, je te renierai. Il n'y a pas de passe-droit là-dessus, frère et soeur. Il n'y a pas de passe-droit. Ça n'a pas d'importance pour moi depuis combien de temps tu es chrétien ou que je suis chrétien. Si à un moment donné ou un autre, je renie le Christ et son enseignement, pour éviter les douleurs, pour éviter les guerres, pour éviter la haine, je renie le Maître et que je ne persévère pas jusqu'à la fin, je ne pourrai pas être sauvé. Ce n'est pas la persévérance qui me sauve, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est la persévérance en son nom qui me sauve. En son nom qui me sauve. Persévérance dans son enseignement, dans son sacrifice, dans sa seconde venue, dans sa résurrection. Je persévère en lui et en son enseignement, en ce qu'il a dit. Même au prix de ma vie. Notre bon Père du ciel, persévérez jusqu'à la fin. C'est notre désir. C'est notre désir. Oh Seigneur, quand on pense, quand on s'imagine des fois des jours difficiles qui pourraient venir, on a quasiment peur. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais je crois que dans ta grâce, tu donnes la force à tes enfants de persévérer jusqu'à la fin. Par ton esprit, tu nous aides à parler, mais dans ton esprit, tu nous aides à persévérer aussi dans la vérité, en toi.